On est dans Pierre, je ne sais pas si on va avoir le temps de terminer ce soir. On a commencé la semaine passée, nos souffrances vont arrêter un jour. Et donc, c'est encourageant de savoir cela. Et je vais vous lire un passage dans l'Épître aux Hébreux. « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous aviez des biens meilleurs qui durent toujours. Donc ici, l'auteur dit aux Hébreux, si dans l'Ancien Testament, deux témoins suffisaient pour mettre quelqu'un à mort, parce qu'il avait désobéi à la loi, il dit la punition pour celui qui rejette le sang de l'Alliance est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Il dit, vous avez, dans vos premiers jours, au début de votre vie chrétienne, vous avez soutenu le combat, vous avez continué malgré les souffrances, vous vous êtes identifié aux prisonniers, vous avez accepté de perdre tous vos biens pour pouvoir continuer la course. Il dit, lâchez pas rendu maintenant. Lâchez pas maintenant. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, vous allez retrouver, si jamais vous avez le temps de faire une étude, sur le mot « ferme » ou « fermement », ça revient 6-7 fois dans l'Épître aux Hébreux. D'être ferme dans ce que nous croyons. Il dit dans Hébreux, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Retenons fermement la profession de notre espérance. » Or, la foi est une ferme assurance. Vous, c'est toujours le mot « ferme » qui revient continuellement, car c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, en parlant de Moïse, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant ce qui est invisible. Donc, en regardant vers l'avenir, vers ce qui l'attendait, il a resté ferme aujourd'hui. Et c'est toujours la même chose. On va vaincre la souffrance, on va vaincre les difficultés d'aujourd'hui en regardant vers l'avenir. La plupart des croyants regardent à la difficulté puis essaient de la vaincre, puis ils ne réussissent pas. Mais si on regarde au loin l'espérance qui nous attend, ça va nous aider à vaincre aujourd'hui les difficultés qu'on a. On garde toujours trop proche. On garde toujours trop proche. Mais c'est, quand vous regardez proche, c'est très fatigant. Et si on regarde au loin... C'est comme quand tu apprends à chauffer. Tu regardes avant ton auto, tu t'en vas tout croche, tu regardes au loin. Oui, c'est ça. C'est toujours la même chose, c'est le même principe de regarder au loin pour ne pas laisser tomber aujourd'hui. Et l'auteur, l'Épître aux Hébreux, va dire à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il va leur dire d'être ferme, il va leur dire en même temps, si vous lâchez, vous êtes perdu. Si vous lâchez, vous êtes perdu. Si vous lâchez, vous êtes perdu. Beaucoup de mouvements évangéliques prennent ces versets-là pour parler de la perte du salut. Donc, beaucoup de ces passages-là viennent de l'Épître aux Hébreux. Où ce qui part, ça se perd. Tu l'as eu, tu le perds. Mais l'auteur ici ne dit pas ça comme ça. Mais il dit, si tu renies ou si tu abandonnes la foi que tu as professée au commencement, tu es perdu. Un peu comme Jésus dit, des fois on a de la misère avec le verset aussi qui dit, celui qui me renie, je le renie aussi. Donc, il y a des gens qui vont dire, ah, si tu le renies, c'est parce que tu l'avais. Donc, tu peux renier le Sauveur, puis Jésus va te renier aussi. Mais avant, je vous ai déjà enseigné qu'avant de parler de la perte du salut avec quelqu'un, parlez toujours du salut. Définissez votre salut bien comme il faut avec la personne. Qu'est-ce qu'il veut dire par le salut? Qu'est-ce que c'est le salut chrétien? Ensuite, il va voir par lui-même presque que le salut dont il vient de définir cela, il ne peut pas le perdre. Fait que là, tu dis, oh, mais si je ne peux pas le perdre, c'est quoi qu'il parle d'abord? Il parle d'autre chose. Parce que par la définition que le salut se donne dans les Écritures, il ne se perd pas. Donc, il ne peut pas parler de la perte du salut plus tard. Donc, il parle probablement à des gens qui ont fait profession de salut et qui maintenant veulent l'abandonner, ce qui démontre qu'ils n'ont pas la foi réelle, tout simplement. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et c'est pour ça qu'on a vu ensemble dans l'Épître de Pierre cette Église qui souffre beaucoup et ils ont envie d'abandonner. J'ai toujours dit, chaque chrétien a sa limite. Chaque chrétien a sa limite. C'est facile de dire aujourd'hui, moi je ne l'offrirai jamais. C'est parce qu'on n'est peut-être pas à la limite. Et il faut juste dire, par la grâce de Dieu, j'espère que je ne vais pas lâcher par la grâce de Dieu. Je ne vais pas lâcher par la grâce de Dieu. Parce que quand la souffrance devient assez forte, c'est dur de résister à cette douleur-là. Moi, je me dis tout le temps, c'est pendant qu'il n'y a pas de douleur qu'il faut se préparer pour ne pas abandonner dans la douleur. Mais si j'attends d'être dans la douleur pour me fortifier, je vais probablement planter. Et moi, je dis tout le temps, apprends à nager avant d'être pogné pour te noyer parce qu'il va être trop tard, tu vas te noyer. Mais apprends à te nager, puis si un jour tu as de la misère, tu vas pouvoir t'en sortir parce que tu as appris à nager pendant que tout allait bien. Et dans la vie chrétienne, il faut accumuler les données, accumuler les vérités dans notre vie. Que quand le moment difficile va venir, Saint-Esprit ne va pas utiliser les vérités et là nous garder ferme. Et si on n'a pas accumulé les vérités, ils ne sont pas là. Saint-Esprit ne nous encouragera jamais en dehors des vérités. Ça y prend de vérité pour nous encourager. Et s'il n'y a pas de vérité, il ne nous encourage pas. Il ne nous encourage pas à partir d'un vide quelque part. Donc, mais s'il y a des vérités qu'on a accumulées pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, sont toutes là dans notre tête. Puis quand c'est l'Esprit, notre besoin va chercher, puis il nous encourage avec ça. Et on a vu ensemble, dans les semaines passées, soyons fermes. On parle le même terme que dans l'Épître aux Hébreux aussi. Soyons fermes dans notre relation avec le Seigneur. On a vu ça en premier. Ensuite, on a vu, soyons fermes dans notre relation avec l'Église. Soyons fermes dans notre joie céleste. On a vu ça. Si on est ferme dans ces trois choses-là, quand la souffrance arrive, on reste ferme. Si j'ai une bonne relation avec Dieu, si j'ai une bonne relation avec l'Église, si j'ai une joie qui vient de Dieu et non pas des choses de la terre, quand les souffrances vont venir, je vais être capable de résister à ça. Et là, on va voir dans chapitre 5, verset 1, la suite de cela. Soyez fermes avec vos anciens. On va voir la prochaine épître, qu'on va voir la deuxième épître, qu'il y avait dans l'Église des faux prophètes, des faux docteurs. Puis là, ils encouragent à rester fermes avec les anciens qu'ils ont déjà, ceux qui ont amené la parole au début. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin de souffrance de Christ et participant dans la gloire qui doit être manifesté. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain sacrificateur, berger paraîtra, le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ici, Pierre s'adresse carrément aux anciens dans l'Église. Et il va parler à ces gens-là afin de les encourager à rester fermes. Une des raisons, je crois, qu'il s'adresse à eux d'une façon peut-être plus personnelle ici, dans ces quelques versets, parce que généralement, quand la persécution frappait, on frappait toujours les dirigeants des Églises, toujours, en premier. Vous remarquez quand dans les Actes des Apôtres, qui on a tué en premier? Les dirigeants. Jacques, on a voulu tuer Pierre, on a voulu tuer les dirigeants de l'Église. Parce qu'on pense, parce que normalement, quand on tue la tête, le restant va arrêter. Mais on se trompe, parce qu'en Église, c'est pas comme ça. En Église, ça ne marche pas comme ça. Même si les têtes tombent, les chrétiens vont continuer à fonctionner. Mais eux autres pensaient ça comme ça. Pilate pensait ça, Hérode pensait ça. Parce que dans la société, c'est comme ça. Regardez dans nos partis politiques, quand on coupe la tête du chef du parti, le parti, ça va tout croche. Mais nous, notre chef réel, on ne peut pas lui couper la tête. C'est Jésus-Christ. Donc, lui, il va continuer à s'occuper de son Église, même si les chefs sont partis, même si les chefs mourraient, comme c'est arrivé à plusieurs reprises dans les Actes des Apôtres. Mais tout de même, l'apôtre Pierre s'adresse à eux quand même et leur dit, et je vous exhorte, moi, les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances des chrétiens et participant de la gloire qui doit être manifestée. Donc, y a-tu quelqu'un qui a un autre mot que ancien, là, dans sa Bible? Verset 1. Tout le monde a le mot ancien. Et ici, vous allez voir que il dit au verset 2, paissez le troupeau. Paissez, c'est le mot paître qui vient du mot pasteur. C'est le mot pasteur qui devrait être là, puis c'est le mot berger. C'est le berger qui fait paître. Et il va dire ensuite, et qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Et ici, là, dans la langue originale, il emploie trois termes différents qui rejoignent tous les termes du Nouveau Testament. Il parle de berger, il parle des anciens, puis il parle des évêques. Parce que le mot « paissez le troupeau qui est sous votre garde », c'est le mot épiscopop. En tout cas, ce n'était pas épiscopal, ça vient du même mot épiscopal. C'est le mot qui veut dire, c'est le mot épiscope qui vient du mot évêque. Dans d'autres traductions, des fois, vous avez le mot évêque, comme dans les Actes des Apôtres. Donc ici, il mélange les trois affaires. Ancien, qui était plutôt du côté des Juifs, il parle des évêques, qui étaient plutôt du côté des non-Juifs. Donc il ramène tout ça ensemble. Il dit, Dieu vous a donné un troupeau à paître, à diriger. Quelqu'un, un groupe de personnes que vous devez garder, conduire. Comme ça, prenez soin. Au lieu de paître, tout probablement, c'est ça. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, il dit, le leadership doit premièrement être des gens qui sont témoins des souffrances de Christ. Témoins des souffrances de Christ. Donc, les anciens, vous allez avoir ça à faire dans peut-être un an, dans deux ans, choisir quelqu'un, me remplacer. Vous allez avoir à dire, il faut choisir quelqu'un qui va être témoin des souffrances de Christ. C'est pas quelqu'un qui va être d'autres choses, mais son but premier à l'ancien, c'est qu'il va être un témoin des souffrances de Christ. Ici, il n'est pas été juste lui témoin dans le sens qu'il dit, parle des souffrances, mais il est témoin dans le sens qu'il lui a été personnellement un témoin. Mais vous souvenez que ça a donné beaucoup d'autorité aux gens. Mais ici, il dit qu'il est témoin comme eux. Fait qu'on peut pas, je ne pense pas qu'il parle d'être témoin oculaire, parce que là, les anciens à qui il s'adresse n'ont pas tous été des témoins oculaires. Il dit, je suis témoin comme eux, je suis un ancien comme eux. Donc là, il se met au niveau de tous les anciens, pas un ancien spécial. Donc, le dirigeant de l'Église, je crois que la plus grande partie, c'est que c'est quelqu'un qui va exposer ou montrer ou proclamer les souffrances du Seigneur Jésus-Christ pour le peuple de Dieu. Parce que dans le fond, la foi, c'est une personne. Là, on pourrait résumer toute la foi chrétienne dans le nom d'une personne, Jésus. C'est ça la foi chrétienne. Il n'y a pas, si je devrais résumer, là, tout compressé, là je commence à définir le mot Jésus, c'est quoi ça? Sauveur, Messie, Seigneur, Fils de Dieu. Et là, je pourrais tout rentrer dans ce mot-là. Et donc, il dit, c'est premièrement quelqu'un qui va être un témoin de ce que Christ a souffert, de ce que Christ a fait. Parce qu'on va voir dans l'autre épître, dans la deuxième épître de Pierre, les faux docteurs, les autres ne parlent pas de ça. Vous écouterez les mouvements religieux, ou vous lirez des choses des mouvements religieux, ils ne parlent presque jamais de ça. Presque jamais de ça. Je recevais une lettre aujourd'hui de quelqu'un de religieux, puis il me parle pendant une grande lettre de Noël, de tout ce qui s'est passé dans sa vie pendant toute l'année, mais pas un mot au sujet de Jésus. Pas un mot au sujet de Jésus. Je me suis dit, c'est triste. Ça. C'est triste, pas un mot. Dans toute l'année, il parle de n'importe quoi, mais il ne parle pas de ce que Jésus a fait dans sa vie. Il ne parle pas de ce que Jésus a dit. Mais pourtant, cette personne-là se présente comme étant spirituelle, comme étant religieuse, comme étant chrétienne. Et c'est intéressant de voir, mais l'ancien ou les anciens qu'on va, mettre en place, c'est des gens qui vont être des témoins de la souffrance de Christ. Et je me souviens toujours, j'étais jeune pasteur, ça faisait pas longtemps que je prêchais, et il y a une femme qui est allée me voir à Vitreville qui m'avait dit, François, elle dit, tu prêches bien, mais je vois jamais Jésus quand tu prêches. Ah ben mon ami, ça m'avait donné une claque, c'est le coup, tu te dis, voyons, c'est quoi l'affaire? Et je me suis mis à regarder par en arrière mes sermons, mes notes, puis c'était vrai. J'exhortais les chrétiens à bouger, à faire de quoi? Mais je ne parlais pas de Jésus. Elle dit, nous, ce qu'on veut, c'est on veut voir Jésus quand tu prêches. Ça m'avait exhorté pour le reste de ma vie chrétienne. Parle-nous de Jésus, c'est ce qu'on veut entendre. Et c'est vraiment un encouragement qui m'avait édifié pour, dans mon ministère, pendant toute ma vie chrétienne, après ça, comme prédicateur. Et là, elle dit, prenez soin du troupeau. Si le troupeau, c'est fait partie de... excusez, on recule un petit peu. Vous êtes témoin des souffrances de Christ. Puis il dit, maintenant, il dit, je suis participant de la gloire à venir. Donc, les anciens, ils parlent de la première venue de Jésus, souffrance, mais ils parlent aussi de quoi? De la deuxième venue de Jésus. Et on est des participants de la gloire à venir. On parle de ce qui s'en vient dans l'avenir. Donc, on ne parle pas juste de ce que Jésus a vécu, mais on parle de ce qu'il va vivre aussi quand il va revenir. Donc, il garde l'équilibre entre les deux. Donc, on parle de souffrance. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas mettre de crucifix sur les murs parce que ça parle juste en arrière. Ils veulent plutôt voir en avant. Donc, voir en avant, voir en avant. Et je crois que les chrétiens, comme on a dit tout à l'heure, oui, on garde en arrière parce qu'on s'en souvient tous les dimanches matin. Qu'est-ce qu'on fait dimanche matin? On se rappelle en arrière. Mais aussi, il faut regarder en avant. C'est ce qu'il a fait. Mais c'est ce qu'il va faire. Je ne sais pas si c'est exact, tous les chiffres, mais il semblerait que Jésus a accompli à peu près 300 prophéties quand il est venu, la première fois. Puis il y en aurait alentour encore de 300 à faire, à peu près, dans la prochaine venue. Donc, il a fait à moitié de chargeur, entre guillemets, si on peut dire comme ça, malgré que par la mort à la croix, c'est lui qui est complet, mais il y a encore des choses à faire. Et donc, les vrais prédicateurs, c'est pas s'ils sont baptistes ou s'ils ne sont pas baptistes qui est important, c'est est-ce qu'ils nous parlent de Jésus, de ses souffrances et de sa gloire à venir. Est-ce qu'ils nous en parlent de ces deux choses-là? Après ça, il dit le leadership des anciens. Le leadership des anciens, il dit premièrement, il va pincer le troupeau qui est sous votre garde, pas les autres. Paître, ça veut dire quoi? Nourrir. Hein? Paître, ça veut dire nourrir, prendre soin. Le travail d'un berger, c'est ça. C'est de prendre soin d'un troupeau. On le nourrit, on le protège, on le garde. Et vous remarquez, si vous voulez avoir une belle idée, regardez dans les Actes des Apôtres, vous allez voir une bonne partie du travail des anciens qui étaient là. C'est d'enseigner, de protéger, faire face aux faux docteurs, faire face aux faux enseignements qui arrivaient. C'était le travail d'un berger, règle générale. Quelqu'un qui prend soin d'un troupeau. Et pour les Juifs, c'était très, très, très proche d'eux autres, parce que c'était dans leur culture. Ils gardaient des moutons, il y en avait partout, des bergers. Ça polluait presque. C'était partout, partout, partout. C'était leur façon de vivre en grande partie. Donc, quand ils disaient, vous avez un troupeau, vous avez à le paître, tout le monde comprenait c'était quoi que ça voulait dire à peu près, paître un troupeau. C'est tellement sensé qu'un mouton en compagnie avec des animaux. De ne faire rien, ça va être mort. J'ai été acheter du foin d'un gars, il disait, je vais m'acheter deux trois moutons, je peux t'y mettre là. Je dis, dans deux jours, on va avoir un mort, il va tomber dans le dallot, puis c'est fini, il est mort. Tu sais. Que moi, j'en ai une, là, elle s'est juste couchée avec les pattes un petit peu, pas gros, là, juste pour dire, quand j'ai arrivé, là, si elle restait là encore une demi-heure, elle serait morte d'épuisement. Quand elle l'est levée, là, elle chambre en l'air, puis ça y a pris toute la journée à remonter. Ça veut dire qu'on est quand même fragile. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il dit, prenez garde. Donc, ça, c'est la première chose qu'il dit, mais ce que je veux faire, c'est sortir un petit peu ce soir, qu'il dit, volontairement. Et c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on doit faire parce qu'on est forcé, parce que quelqu'un veut qu'on le fasse. Je me souviens d'un homme qui était à me voir, il dit, moi, j'ai jamais voulu être pasteur, mais il n'aurait pas dû être là. J'ai jamais voulu être pasteur, mais il avait été pasteur qui s'en a tout salué. Mais j'ai jamais voulu être là. Mais j'ai dit, pourtant, ça m'a marqué volontairement. Dans Timothée, ça marquait quoi? Si quelqu'un désire la charge, quelqu'un veut la charge. Donc, si quelqu'un ne la veut pas, il ne devrait pas être là en place. Et donc, il dit volontairement. C'est quelque chose que vous faites de plein gré. Pas personne ne vous force, pas personne ne vous oblige. C'est quelque chose que vous allez faire volontairement pour le troupeau. Et avec dévouement. Y a-t-il qui ont d'autres traductions que le mot dévoué? Avec de bon cœur. Avec joie. Avec encouragement. Avec quelque chose. Bonne volonté. C'est quelque chose que tu fais volontairement et de bon cœur. C'est pas, tu fais pas ça en maugréant ou en chiolant ou en j'ai pas le choix, si tu veux bien, faut bien que je le fasse. Non. De bonne volonté comme Dieu le désire. Comme Dieu le désire. Okay, donc, c'est toutes des choses qui se ressemblent. Ce qui va faire ressortir, il dit, vous êtes dans un contexte pas facile en tant qu'ancien, mais vous devez le faire de bon cœur, volontairement et de bon cœur. Vous devez vous prendre soin d'un troupeau que Dieu vous a confié. C'est pas les hommes. Vous allez jamais confier un troupeau à un pasteur quand vous allez voter. C'est Dieu qui a confié un troupeau. C'est pas vous. Vous allez voter, vous allez le reconnaître, ça. Vous allez approuver ça. Mais vous ne pouvez pas le nommer pasteur. Le pasteur, ce n'est pas un vote. Le pasteur, c'est un don. Tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est un don, le pasteur. Et toi, tu l'as, mais l'Église peut reconnaître que tu l'as ou peut reconnaître que tu ne l'as pas. Mais toi, tu ne peux pas y donner. Ce n'est pas en le votant qu'on y donne. Il est déjà pasteur. Et c'est un don qu'il reçoit de la part de Dieu, je dirais personnellement, dès sa jeunesse de vie chrétienne. Il reçoit le don. Et il peut l'apprendre à s'en servir, comme tous les autres dons. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un. Et tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est comme ça. Ça ne s'apprend pas. Ça se développe peut-être avec l'expérience, mais ça, tu ne peux pas aller chercher ça en mal à quelque part ou l'acheter, faire venir. Ce n'est pas quelque chose que tu fais comme ça. C'est quelque chose que tu as de la part de Dieu. Nous, l'Église, c'est qu'on approuve. On dit oui, on pense que tu l'as ce don-là. Donc, c'est dans ce sens-là que ça se passe. Mais ici, il dit, faites-le de bon cœur sur le troupeau que Dieu vous a donné. Dieu vous a confié quelque chose. Et il dit au verset 3, étant des modèles. Un modèle. Ça fait quoi, c'est un modèle? Quelqu'un qu'on veut suivre. Quelqu'un qu'on aimerait imiter. C'est ce qu'on appelle un modèle. Quelqu'un qu'on aimerait imiter. Et quand on vote un pasteur, qu'on prend un pasteur, la plupart des chrétiens ne vont pas s'arrêter à toutes les affaires d'Antique ou d'Antimothée. Ils connaissent plus le terme général, ils ne connaissent pas. Mais ils vont regarder le gars, puis ils vont l'avoir rencontré deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois. Puis ils vont dire, ouais, moi j'aimerais savoir ce gars-là comme pasteur. C'est pas tout le temps très théologique et biblique à faire. C'est pas toujours ça. C'est souvent, on dit, on est sur la même longueur d'onde, on s'entend bien avec la personne. Voilà, c'est souvent comme ça. Souvent comme ça. Ça clique, on dit. Des fois, on l'entend prêcher deux, trois fois, puis on dit, oh non, je ne veux pas l'avoir. Mais c'est vraiment spécial comment ça se fait. Mais ici, ce que lui dit, toi, l'ancien, tu vas diriger le troupeau étant un modèle. Et je vous l'ai déjà dit, ça, moi, ça m'a surpris beaucoup, parce que moi, j'étais un cultivateur du Québec. Mais quand j'étais là en Israël, ce qui m'a frappé le plus, c'est que pourtant, je l'avais lu dans la Bible, mais là, je l'ai vu. Je l'avais vu, là. Un berger qui était dans le plein milieu de la ville de Jérusalem. Nous, on était dans l'autobus. On attendait, c'était le trafic, on attendait. Et là, ce berger-là, il s'en allait avec une vingtaine de moutons à travers les chars en circulation. Puis les moutons étaient. Puis là, je le regardais et je disais, mais il s'en va en avant. Il s'en va en avant. Nous, les cultivateurs, on n'allait jamais en avant de nos vaches, on allait en arrière des vaches. Puis on les poussait. Tu vois, avec un chien ou en dernier, c'était avec des biscacos. On les poussait. On les pousse, hein. Puis s'ils n'avancent pas, oh le chien, pousse-le un petit peu. Mais Jésus dit, moi, non, non. Moi, je suis en avant. Vous me suivez parce que vous m'aimez, parce que je suis un modèle pour vous autres. Mais je ne vais jamais vous pousser dans le dos. Vous me suivez parce que je suis un modèle. Mais c'est une façon. C'est quelque chose pour moi qui était tout d'un coup. Je le voyais, là. Dans ce trafic-là. Mais ce qu'il faisait, le gars. Il regardait jamais en arrière, mais il parlait toujours. Il parlait toujours. Ils entendront ma voix, puis ils vont me suivre. Ils ne connaissent pas Joe. Ils t'auraient pu de mettre de côté, puis ils ne t'auraient pas reconnu avec l'autre. Ils ne reconnaissent pas le monde. Ils n'ont pas une bonne vue. Mais ils ont une ouïe très bonne. Ils reconnaissent la voix. Ils n'ont pas, oh, je te reconnais. Non, ils ne reconnaissent pas le gars. Autant comme il entend la voix du gars, puis là, il va suivre cette voix-là. Et je suis convaincu, si tu te mets un habit, puis que tu imiterais, tu serais capable d'imiter la voix du berger, la Bible, c'est vrai. Ça avait tout un oreille. Lui, il fait juste sortir dehors. Si, si, si, t'es incapable. Il fait juste, tu sais, de chino, il était 300 pieds. Il répond. Je veux dire, si tu pouvais le faire, il suivrait parce qu'ils suivent la voix. Ils ne suivent pas une image comme telle. Et si je crois que c'est ça qu'il est en train de nous parler un peu, il dit que l'ancien, il va être un modèle. Et tu vas vouloir vivre une vie chrétienne un peu comme lui. Un peu comme lui. C'est pour nous autres, dans notre ère de qui est un petit peu différente que dans les premiers temps, dans ce temps-là, il faut se mettre dans la tête que les gens, en 99,9%, n'avaient pas de Bible. Ils ne savaient pas c'était quoi la Bible. Ils n'avaient pas dans les mains. Nous, on a tous 5, 6, 7, 8 chez nous. Nous autres, on n'avait pas. Donc, il suivait un homme qui disait « Dieu a dit. » Jésus a enseigné ça. Il fallait qu'il ait confiance à cette personne-là. Il fallait vraiment qu'il ait confiance à cette personne-là. Parce qu'elle n'avait pas de Bible. Elle n'avait pas. C'est juste depuis à peu près 150 ans, 100 ans, que les chrétiens ont des Bibles dans les mains. Alors ça, ils n'avaient pas. Même pas. Parce que l'imprimé a commencé au 12e siècle. Hein? Puis c'était tellement dispendieux, personne n'avait. Et quand tu lis, il y avait une Bible par église, des fois, à peu près. Et c'était très dispendieux avoir des Bibles. C'était très, très dispendieux. D'autres, on a toujours eu. Mes grands-parents, ils en ont toujours eu. Mais tu ne retournes pas au 15e siècle, toi, là, ouais. Tes grands-parents. Là. Ben, mon grand-père, il est venu au monde en 1850. Ben, c'est ça, ça fait 150 ans. Oui, c'est ça. Et puis, même là, en arrière, là, à peu près 150 ans, c'est la minorité des gens qui savaient lire, même. C'est pas la majorité des gens qui savaient lire. Mm. Fait que même si tu avais donné un livre, il ne l'aurait pas lu. Mm. Parce qu'il ne savait pas lire. En général. Et c'est pour ça que Martin Luther, qui était 200-300 ans après l'imprimerie, a voulu traduire la Bible dans la langue du peuple, parce qu'elle n'était même pas accessible au peuple, elle était en latin. Donc il ne pouvait même pas la lire, même s'il aurait voulu l'avoir une des mains, elle était en latin, il n'aurait pas pu la lire. Donc lui dit, je vais la mettre en allemand, pour au moins ceux qui savent lire peuvent la lire. Donc c'était vraiment une question de confiance envers la personne qui était là en tant qu'ancien. Donc il dit, vous êtes des anciens, prenez le troupeau que Dieu vous a confié, faites-le volontairement, avec dévouement, étant des modèles. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il encourage les anciens comme lui à faire face à cela. Il dit au verset 4, il dit, lorsque le souverain sacrificateur, le berger, le souverain berger, je veux dire, va paraître, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc, si je le mets, selon ma compréhension, dans le contexte, il est en train d'encourager les anciens ici à persévérer, à ne pas lâcher dans la souffrance. Et même si leur vie est à risque, il dit, quand il va revenir, le souverain berger, il va vous donner la couronne incorruptible de la gloire. Ça, je veux juste les encourager à persévérer là-dedans. Mais il dit, si vous les abandonnez, ben vous ne l'aurez pas, cette couronne-là. Donc, c'est et je crois qu'il ne parle pas d'une couronne en plus du salut, mais je pense qu'il parle de la couronne incorruptible de la gloire, c'est le salut éternel. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il est en train de leur dire, et encourage ces anciens-là. Encourage ces anciens-là. Et vous remarquerez que si vous lisez, je ne sais pas si vous avez lu le livre à M. Héron, quand il a fait une leçon, vous remarquerez dans les premières années, les années 50, l'Église visait les leaders. C'est les leaders qui ont été en prison. Ce n'est pas les chrétiens qui allaient en prison, c'est tous les leaders qui ont été en prison. Parce qu'ils croyaient encore quoi? Si on met les leaders en prison, le monde va tout s'arrêter. C'était toujours la même pensée. Et donc, c'est pour ça que je crois qu'il fait un petit arrêt spécial pour les leaders, pour les encourager à persévérer, et même risquer la mort pour la plupart des croyants parmi les leaders des premiers 30 ans sont quasiment tous morts à cause de la foi. Quasiment tous morts. Les apôtres ont presque tous été tués, qu'on pense dans l'histoire, pour leur foi. Donc, ils ont payé d'un prix très cher d'avoir été des leaders en place pour cela. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils encouragent à aller de l'avant et ne pas faire ça parce que c'est un fardeau, mais vraiment le faire parce qu'ils sont contents et que ça vient du Seigneur, cela. On a fait de nos petits, si vous voulez bien. Après avoir parlé au leader, il va se virer de bord, puis il va s'adresser au troupeau, je dirais comme dans ce sens-là. Au verset 5 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Non, excusez. Ça, c'est 6. Ça, c'est 6. Non, c'est 5. C'est 6. Ouais, moi, c'est ça. Moi, c'était 6. En tout cas, pas grave. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. L'humilité. J'avais déjà lu un livre sur Andrew Murray qui prêchait l'humilité, source de toute bénédiction, orgueil, source de tout problème, de toute difficulté. Mes parents disaient l'orgueil, c'est la mère de tous les vices. Il me semble que j'ai entendu ça quand j'étais jeune. Et ici, il dit aux jeunes, les plus jeunes, il y en a qui pensent que ça peut être les plus jeunes anciens ou les plus jeunes croyants, peu importe. Soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Donc, l'humilité va être notre, on pourrait dire, notre ciment, notre entre nous. Je suis allé à Cannington là, 2-3 semaines, comme je l'ai dit, puis ils ont vécu une grosse division. Et c'est venu parce que ça, c'était pas là, cette humilité-là. Il n'était pas là. Et ça a causé des problèmes épouvantables et ça a détruit l'Église. Je ne sais pas s'ils vont persévérer avec le temps en tant qu'Église. Pas en tant que croyant, mais en tant qu'Église. Donc, c'était très difficile. Ça fait 2 ans. Ils ne sont pas encore traversés tout cela. Et il dit, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il parle, premièrement, d'humilité les uns avec les autres dans l'Église. Puis ensuite, il parle, au verset 6, d'humilité envers Dieu. Donc, je me demande si c'est lequel qui commence le premier. Personnellement, je pense que c'est l'humilité envers Dieu. Quand tout le monde s'humilie devant Dieu, c'est plus facile ensuite de s'humilier les uns devant les autres, les uns avec les autres, les uns envers l'autre. Mais j'essaie de te comprendre dans le contexte, parce que je me suis dit, voyons, ces chrétiens-là avaient un problème d'orgueil là, dans l'Église, puis comment ça se manifestait, ce problème d'orgueil-là, dans le contexte qu'on étudie une Église qui passe par les difficultés, par les souffrances. Qu'est-ce qui fait... Pourquoi c'est comme ça? La façon que j'ai compris, c'est que les jeunes croyants, je ne parle pas des jeunes dans l'âge, des jeunes croyants, je parlais peut-être d'une génération à l'autre. Si on étudie l'histoire, une église, ça dure combien de temps? Règle générale, à peu près 150 ans. 150 ans. Si vous étudiez n'importe quelle histoire d'église un peu partout à travers le monde, ça dure à peu près 150-200 ans, ça meurt après. Oh, le bâtiment, l'organisation peut être encore là, mais l'évangile n'est plus proclamé. Ça dure à peu près 150-200. C'est pour ça que vous allez voir des églises qui étaient très évangéliques des années 1750, 1800, 1850, qu'aujourd'hui sont complètement mortes spirituellement, complètement mortes, qui ne fonctionnent plus du tout. Ça ne veut pas dire que l'Église du Seigneur est arrêtée. Non, l'Église du Seigneur continue tout le temps. Elle va toujours continuer. Parce qu'elle, c'est la grâce de Dieu qui a fait fonctionner. Mais les églises vont... Et je me suis dit... souvenez quand Jean-Baptiste est arrivé, il dit, Jean-Baptiste va ramener le cœur des enfants vers leur père. Je ne pense pas qu'il y avait juste des problèmes là, de famille. Là. C'est que la jeune génération, ce qu'on remarque qu'elle fait, mettons ça, c'est l'Évangile ici, les générations qui suivent ont tendance à s'éloigner de la vérité. Tout le temps, ça fait toujours ça. Jusqu'à un certain point que l'Église est morte spirituellement. Parce qu'ils sont rebelles. Il y a une espèce de difficulté entre les générations. On appelle ça des crises de génération. On a vu dans nos maisons des fois. Il y a des crises de génération même dans les églises. Les jeunes chrétiens ont tendance à vouloir changer les choses. Pas suivre toujours l'enseignement qui venait des vieux. Là, je ne parle pas des coutumes des vieux. Je parle de l'enseignement des plus vieux. On veut adapter ça. On veut améliorer ça, si on peut dire comme ça. Donc, c'est pour ça que l'Évangile, tranquillement, va s'éloigner de la vérité. On va tranquillement s'éloigner pour venir à un point où on ne l'apprêche plus du tout. On devient des moralisateurs, on devient des gens qui essaient de faire le bien. Je suis toujours surpris de voir des églises, quand je vois du côté anglophone surtout, qui ont 2, 3, 4 générations, qui me demandent à moi, qui est de la première génération, je suis un jeune chrétien par rapport à eux autres, si ces personnes-là sont chrétiennes ou pas. Comme s'ils ne sont pas capables de discerner par eux-mêmes si les gens dans leur communauté sont des chrétiens ou pas des chrétiens. Pourquoi c'est comme ça? Je me pose la question. Pourquoi est-ce que ces gens-là, qui sont des églises de toute leur vie, puis qui ont été, ça fait 2 ou 3 générations, ils ne savent plus reconnaître qui est chrétien et qui ne l'est pas? Ils se sont tranquillement éloignés et c'est devenu, moi j'appelle ça, des gens, entre guillemets, qui ont une bonne vie, puis qui ont de la misère à évaluer les gens qui ont une bonne vie, puis qui ne sont pas chrétiens, puis ça ne savent plus. Comme bien des fois, je me suis fait demander par des chrétiens, est-ce que Mère Thérésa est chrétienne? Selon toi, Mère Thérésa est-tu chrétienne? Comme s'ils ne sont pas capables de discerner par eux-mêmes si Mère Thérésa est chrétienne ou pas. Ils ne sont plus capables. Ce sont tranquillement éloignés. Je crois que c'est ça qui parle ici. Soyez humble avec les plus vieux, afin de suivre l'enseignement qu'ils donnent. Restez attachés à cet enseignement-là, parce que Dieu va résister à l'orgueil. Si l'orgueil vous éloigne de ce que les anciens vous disent, les plus vieux vous disent, puis vous allez voir cette exhortation-là est dite de même ici, mais vous allez voir dans toutes les autres épîtres qu'on encourage les églises à suivre l'enseignement des apôtres, les plus vieux, parce qu'ils ont tendance à s'éloigner de ça. Puis vous allez voir que les apôtres ou les anciens, comme Paul, qui n'était pas un apôtre parmi les 12, il va dire « Moi, apôtre de Jésus-Christ », il va aller chercher ce titre-là pour donner l'autorité, pour dire « Vous devez suivre ce que je vous dis, là ». Puis ailleurs, les Corinthiens vont dire « Les premiers apôtres qui vous ont enseigné, vous devez suivre ce qu'ils vous ont dit ». C'est l'orgueil qui va vous éloigner de cette vérité-là, de ces vérités-là. Donc, ils encouragent à... si vous, parce que, voyez-vous, il va dire, je prends, Dieu résiste à l'orgueilleux. Là, je crois qu'il va dire, si vous résistez aux anciens qui vous enseignent la vérité, vous résistez à Dieu. Puis là, il dit, et si vous faites ça, hein, c'est contre Dieu que vous résistez. Si vous résistez contre Dieu, là, vous allez avoir des problèmes. Vous, quand, c'est pas comme si il envoie, c'est pas une chicane entre les chrétiens pour savoir quelle couleur qu'on doit mettre les murs, là. C'est que je ne résiste pas à Dieu en disant que je ne suis pas d'accord avec le pasteur qui veut mettre les murs bleus, puis moi je voudrais mettre les murs verts. C'est pour ça qu'il parle. Hein. C'est pour ça qu'il parle. Mais on parle plutôt ici de l'enseignement des anciens qui enseignent les Écritures, parce qu'on va voir tout de suite dans l'autre. On va commencer dans le deuxième épître de Pierre, et c'est ça qui va ramener cette fausse doctrine qui veut rentrer dans l'Église. Les anciens combattent. Là, il dit aux jeunes croyants, restez attachés avec vos anciens, restez collés là. C'est eux autres qui vous ont amené l'Évangile, et restez là, là. Parce que sans ça, vous allez avoir des problèmes. Parce que en résistant à ces anciens-là hein, qui vous prêchent l'Évangile, qui ont reçu, parce qu'ils autres, ils sont témoins des souffrances de Christ, ils vous prêchent la gloire à venir de Christ, si vous résistez à ça, vous allez résister à Dieu, puis Dieu va vous condamner. Voyez-vous l'argument? Je crois que c'est ça qu'il est en train de parler. Puis là, ensemble, au verset 6, il dit, « Humiliez-vous donc, tous ensemble, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et suivez ça. Et Dieu va vous élever au temps convenable. » Donc, c'est dans ce sens-là qu'il est en train de dire, suivez cet enseignement-là, restez ferme dans l'humilité, tout le monde. Vous autres, les plus vieux, soyez humbles avec Dieu, puis vous autres, soyez humbles ensemble pour pouvoir fonctionner dans la vérité. Et c'est toujours la phobie de ceux qui enseignent en partie. Est-ce que je vais laisser derrière moi la vérité ou pas? C'est toujours la phobie de ceux qui enseignent pendant une longue période de temps. Parce qu'on sait que la tendance, c'est de s'éloigner. La tendance, c'est de s'éloigner. Et il y a toujours cette phobie. Je dis, Dieu a dit, il faut que je fasse attention. Dieu, tu dis vraiment ça? T'sais? C'est un peu la phobie de garder et de transmettre à la génération qui va suivre l'enseignement de Dieu. Et l'apôtre Paul va le dire autrement. Il va dire, dis-le à des hommes qui va être capable de le donner à d'autres hommes qui vont le donner à d'autres hommes. Il parle de 3 générations. Là. Donne-le à des hommes qui vont le donner à des hommes qui vont le donner à des hommes. Donc, c'est cette... personnellement, je crois que la vérité se transmet beaucoup plus d'homme à homme ou de chrétien à chrétien que par la Bible elle-même, par un livre. Par un livre. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin du livre. Au contraire, on a besoin du livre. Mais si je donnerais des Bibles à tous les chrétiens, puis arrangez-vous avec ça, là, vous avez toutes vos Bibles, maintenant, allez-vous chez vous, puis lisez votre Bible, ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est pas que c'est mal de faire ça. Au contraire, on s'encourage les uns les autres à le faire. Mais c'est pas ça que Dieu a planifié comme tel. Donc, soyez fermes, les anciens, là-dedans. Puis soyez fermes, maintenant, dans l'Église, envers les anciens. Okay? Soyez fermes envers les anciens, dans le sens que, pas s'attacher à un homme, mais s'attacher à l'enseignement de l'homme qui enseigne les souffrances de Christ et la gloire de Christ à venir. Car Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc, afin que déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable. Il me semble que j'ai quelque chose que je manque ici, envers Dieu. OK, donc il dit, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc il dit, humiliez-vous sous la puissance de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. De quel temps il parle, là? De sa seconde venue. Il dit, quand il va venir, si vous lui avez résisté en résistant aux anciens qui enseignent les Écritures, Dieu va vous résister, il va vous détruire. Donc, il dit, si vous voulez que Dieu vous élève à un temps convenable, donc il dit, il ne faut pas que vous résistez à Dieu. Puis il dit, si vous ne résistez pas à Dieu, déchargez-vous celui de vos soucis et il va prendre soin de vous. Ici, il parle, je ne parle pas qu'il parle de nos soucis quotidiens. C'est pas ça qu'il parle ici, je pense. Souvent, on entend parler de ce passage-là quand on parle de la prière. C'est pas ça qu'il parle ici. Je parle des soucis du chrétien qui est dans la souffrance, qui souffre pour la foi de Christ. C'est ça qu'il tentait de parler dans le contexte. Je ne crois pas que c'est mal de parler de nos soucis avec le Seigneur. Mais ici, je crois qu'il parle, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous avez des soucis face à tout ça, déchargez-vous sur lui de tout cela et lui va prendre soin de vous. Parce que vous êtes conscients, ceux à qui Pierre le dit ici, la majorité d'entre eux autres vont mourir pour leur foi. La majorité. On est à peu près 30 ans après que le Seigneur soit parti, les chrétiens, ils mouraient par milliers. Ils mouraient par milliers, ils mouraient par milliers, ils mouraient par milliers. Ils sont morts jusqu'à les années à peu près 1500, 510 après Jésus-Christ. Ça mourait. Donc, il dit, il va prendre soin de vous. Mais si tu n'es pas en train de dire, maintenant, il va vous éviter tous les problèmes de la vie. Mm-hmm. Non, ils sont continués à souffrir quand même. Ils sont morts. Mais au temps convenable, il va les élever. Le monde vous écrase, le monde vous détruit, le monde vous met des arènes de lion pour faire manger, le monde vous met en prison, le monde vous fouette, le monde vous rejette. Mais Dieu va vous élever, lui, au temps convenable. Dieu va vous asseoir dans le ciel avec lui et vous allez être dans sa gloire. Donc, on va arrêter là pour ce soir d'être ferme avec, moi je dirais, l'enseignement des anciens. Là, ici, les autres, ils donnent les anciens, parce que c'est les anciens qui transmettaient les Écritures. Puis autant que Pierre a écrit, il n'y avait pas encore même le Nouveau Testament tout écrit. Une grande partie du Nouveau Testament était transmis oralement, en partie. Donc, il dit, attachez-vous à ces hommes-là que vous savez, qui sont des témoins oculaires, des témoins, des gens qui ont travaillé avec vous autres. Et c'est pour ça que vous allez voir dans les Actes des Apôtres et dans différents livres, les chrétiens, quand ils ont des problèmes doctrinaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à Jérusalem pour les apôtres. Ils ne vont pas prendre le Bible, discuter avec le Bible, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils prennent les clics, les claques, puis ils descendent, si le problème est assez urgent, assez profond, puis ils descendent à Jérusalem, une gang. S'il y a un apôtre pas loin, il va aller voir l'apôtre qui n'est pas loin. S'il y avait un Pierre pas loin ou un Jean pas loin, il allait voir ces apôtres-là qui n'étaient pas loin. S'il n'y en avait pas, il descendait à Jérusalem. C'était comme ça qu'il était là. Pas d'Internet pour communiquer, pas de téléphone, pas rien de ça. Là. Donc, il allait voir les gars direct et il disait, mais qu'est-ce que Jésus a dit là-dessus? Qu'est-ce que Jésus a dit là-dessus? Donc, aujourd'hui, on a ce privilège-là d'aller vérifier dans des centaines de livres, dans des milliers de sites Internet, dans des dizaines, des vingtaines de sortes de Bibles qu'on peut avoir chez nous. on peut aller vérifier. Et il y a des questions autour de nous qu'on peut aller voir, interroger, parler avec eux autres pour voir qu'est-ce que Dieu a dit, lui, dans, vraiment, comme enseignement. Donc, c'est faut vraiment être soumis dans ce sens, ou rester attaché fermement. Si on le dit autrement, dans d'autres livres, rester attaché fermement à l'enseignement des apôtres. C'est la même à dire ici. Donc, c'est dans ce sens-là que... Parce que les anciens vont... Pas les anciens, mais les faux prophètes, les faux docteurs, c'est ça qu'ils vont faire à chaque fois. Puis je vous l'ai dit, puis je vais vous le répéter, les problèmes dans le Nouveau Testament, c'est pas premièrement des problèmes de moralité. C'est des problèmes de doctrine. Puis là, souvent, si on se fait faire des sermons, on se fait pas enseigner. C'est la doctrine. Quand la doctrine va bien dans une vie, ça ne veut pas dire que tout va aller bien. Mais au moins, tu es sur la bonne traque. Et actuellement, si vous remarquez les problèmes qu'on a dans certaines églises, Paul va toujours les relier à des problèmes doctrinaux. Toujours les relier à des problèmes doctrinaux. Il faut régler le problème doctrinaux pour régler correctement le problème moral. Parce que si vous réglez le problème moral sans la doctrine, vous allez faire juste des pharisiens avec ces gens-là. C'est pour ça que bien de nos enfants ont été pharisiens bien longtemps, parce qu'ils ne comprenaient pas, on les faisait faire ça. Ils faisaient, parce que papa était plus gros, parce qu'il était plus vieux. Ils ne comprenaient pas, ils faisaient juste parce qu'on l'avait dit. Ils ne comprenaient pas. Et c'est pas mauvais de faire ça, mais si ça reste là, ça ne restera pas longtemps, ça ne fera pas ça longtemps. Il faut que l'enfant, à un moment donné, comprenne la vérité, ça devienne, fasse partie de sa vie, de son corps à lui, pour que ça puisse devenir maintenant, c'est ma foi. Je me souviens juste d'un homme que j'avais entendu son témoignage pendant que j'étais au collège, pas au collège, mais à l'école biblique. Et on avait demandé son témoignage. Il dit, moi j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Et je vous entends parler, vous autres là. Il dit, moi j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Ma mère m'a dit, tout le temps j'étais sauvé. je peux pas quasiment me souvenir en arrière, ou un jour dans ma vie, où ce que j'aurais pu dire que je ne croyais pas en Jésus, mettons. Tu sais, parce qu'il avait été élevé là-dedans tout le temps. Mais il dit, je me souviens du jour où ce que j'ai dit, je veux aller à l'église, pas il faut que j'aille à l'église. Ça, il dit, je m'en souviens. Je veux aller à l'église. Ses parents ont arrêté d'aller à l'église. Il a toujours continué. Vous voyez la différence? C'est pas, j'y vais parce que papa, il va. Je veux aller à l'église, moi. Je veux aller. Même si tu n'arrêteras pas, moi, je vais. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux dire ici qu'aller dans le sens que c'est toujours une doctrine qui engendre un comportement. Si ce n'est pas la doctrine qui engendre le comportement, c'est juste du pharisianisme, c'est de la religion, c'est de la pratique religieuse, ça ne vaut pas Saint-Saëns. Aux yeux de Dieu, ça ne vaut pas Saint-Saëns. Il faut que ce soit la doctrine qui engendre la vérité. Nous allons terminer dans la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes contents, nous sommes heureux de voir que ta parole s'est propagée jusqu'à aujourd'hui. Il y a des enfants de Dieu à travers le monde, à travers l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, qui ont mis leur tête sur le bio pour qu'on puisse entendre la parole de Dieu, pour qu'on puisse la voir aujourd'hui. Il y en a qui sont morts pour la proclamer, il y en a qui sont morts pour l'imprimer, il y en a qui sont morts pour l'avoir donnée. Mais nous l'avons reçu aujourd'hui, ici. Nous sommes tes enfants. Et Seigneur, nous voulons être humbles devant toi. Nous voulons être humbles devant toi. Nous voulons accepter ce que tu dis. Nous voulons accepter parce que tu nous as dit que la souffrance faisait partie de nos vies, puis on veut s'humilier dans le sens qu'on l'accepte volontairement, avec joie, dans le sens pas qu'on aime souffrir, mais que c'est ça que tu veux, c'est correct, on l'accepte, Seigneur. Et aide-nous à être humbles dans nos relations les uns avec les autres. Oh, tu nous connais, Seigneur. Tu sais à quel point notre chair humaine est orgueilleuse. Mais dans ta grâce, dans ton amour, garde-nous humbles. Je sais que si tu nous gardes humbles devant toi, ça va nous aider à être humbles les uns avec les autres. Et Seigneur, ceux que tu appelles à diriger, peu importe où, donne-leur d'avoir la capacité d'être humbles Aide-les, Seigneur, à être des modèles. Aide-les à le faire de bon cœur, volontairement. Et Seigneur, ce n'est que des hommes pécheurs. Ils ont besoin de ton aide. Et Seigneur, que ta grâce puisse être manifestée dans nos vies, peu importe où ce que nous sommes. Et si tu nous, si j'en parle les termes de l'apôtre Paul, si tu nous fais le privilège de souffrir pour toi, fais qu'on puisse l'accepter avec joie. Fais qu'on puisse être capable de chanter comme l'apôtre Paul chantait dans sa prison. Chanter de, heureux de chanter, heureux de chanter parce qu'ils ont souffert au nom de Jésus-Christ. Même chose avec les apôtres dans Acte 4, qui ont chanté parce qu'ils avaient été persécutés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on te demande, Seigneur, que tu nous aides à vivre ainsi. Et nous allons t'en donner la gloire pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Le problème ici, c'est que les gens dans les églises, c'est qu'ils se... Si le problème, qu'il y a un problème dans l'église, les gens,